La société sylvicole du secteur de Mistassini œuvre dans le domaine de l'aménagement de la forêt et le reboisement forestier. Notre société emploie plus d'une centaine de personnes dans la région. La société sylvicole est située au 245 Dequin, secteur Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-8080. Elle est très heureuse de souligner le mois de l'arbre et de la forêt. Samedi, Arthur Beterbiev remonte dans le ring en Californie. Il va affronter un boxeur qui s'appelle Radivov Kalachik. Et également sur DAZN, il y aura également Canelo Alvarez qui va remonter contre Daniel Jacobs. Donc c'est une grosse fin de semaine de boxe. On en parle avec notre ami Bernard Barry. Salut Bernard. Salut Danny. Bernard, on va commencer par le combat d'Arthur Beterbiev contre Radivov Kalachik. J'écoutais un podcast cet après-midi sur la boxe, puis on disait que ce serait pas un gros adversaire pour Arthur Kalachik. Ben moi, j'ai un petit peu... Je pense que ça devrait pas être un problème là, pour ouais. Arthur Beterbiev. Ça sera pas aussi facile que prévu. Parce que Kalachik, là, c'est un bon boxeur. D'ailleurs, il vient de donner un paquet de troubles l'année passée à Marcus Brown, qui est classé numéro 1. À WBC et WBA, Marcus Brown qui était invaincu et qui en a eu plein son casse avec Kalachik parce que finalement, il avait remporté une décision partagée. Et ça, c'était en 2016. Donc, face à un boxeur de talent comme Brown, s'il était capable de causer des problèmes, il risque d'en poser aussi à Arthur Beterbiev. C'est certain que Beterbiev est tellement fort physiquement, tellement précis. Surtout, il va avoir faim. Là. Il n'a pas été très actif. Hein? Un combat en 2018, un combat en 2017. Donc, il va embarquer là le couteau entre les dents. Il va pouvoir montrer que c'est lui le boss. Mais Kalachik, là, c'est pas... Tu sais, des fois, on dit qu'il va se battre contre une victime. Mais Kalachik, c'est pas une victime. OK. Mais Arthur, écoute, c'est tellement une machine de boxe. C'est tellement... Moi, je... Écoute, il y a tellement une force de frappe terrible. C'est juste plate que sa carrière a été mal gérée jusqu'à maintenant parce qu'on n'a rien vu encore de lui. Moi, à mon idée, là, tu l'as dit, je pense que tous ses problèmes, c'est l'équivalent d'un combat par année. Là. Ben, je suis entièrement d'accord avec toi. T'sais. Et puis là, il faut que... Ben là, rendu à l'heure que t'es rendu, il faut qu'il se passe de quoi. Là. C'est pour pas que ça niaise trop. Là. Il est quand même rendu à 34 ans. Il faut qu'il monnaie sa carrière dans ses belles années. Fait que faut que ça se passe là. Ça veut dire que là, faut plus que ça arrête. Là. Kalachik, puis si tout va bien, là, tout de suite après, faut qu'il revienne. Faut pas que ça niaise. OK. Donc faut au moins penser quoi? Peut-être même deux autres combats, un en septembre puis un à la fin de l'année? Ah, sans aucun doute, là. Puis Mark Ramsey, là, tu sais, Mark Ramsey, là, il travaille hein, avec sa gang, il a une belle équipe alentour de lui. Il travaille avec ses champions, avec ses boxeurs. Mais lui, là, faut que ça, à un moment donné, faut que ce soit payant, là. T'sais, faut qu'à quelque part, les gars soient actifs. Donc, imagine-toi, là, c'est beau, il a fait des belles bourses, là, à Beterbiev, puis Mark Ramsey était payant en fonction de ça. Mais as-tu pensé, lui-là, là, un combat par année, tout le temps qu'il met là-dessus, là, c'est pas payé cher de l'heure, ça, là. Ah non, puis c'est sûr que ça doit pas être le plus payant non plus. Sur DAZN maintenant, ça, c'est un des gros combats de l'année. Canelo Alvarez contre Daniel Jacobs, ça devrait être... Jacobs, qui est un très bon boxeur, je pense pas que ce soit une menace concrète pour Alvarez, mais est-ce que ça pourrait être un combat qui pourrait aller jusqu'à la fin? Ouais, moi, je pense que oui. Tu sais, Jacobs, là, il a donné une méchante bataille à Golovkin là, l'année passée. Et puis, Jacobs, c'est un boxeur gaucher solide, 35 victoires. Il a 29 victoires par knockout, seulement deux défaites. Puis, le fait qu'il est gaucher, le fait qu'il cogne dur... il peut donner du trouble à Alvarez, mais d'un autre côté, là, on n'est pas cave non plus, là. Gagner des rounds contre Alvarez à Las Vegas dans le Cinco de Mayo, là, on l'a vu avec Golovkin. Il va falloir que Jacobs ait sac à le maudit volé, pas encore, là. Fait que, tu sais, Jacobs, il faudrait qu'il arrête Alvarez pour penser s'en sortir avec la victoire, ce qui est peu probable compte tenu qu'Alvarez est un boxeur qui est très solide. Finalement, Jacobs, sa seule chance, ce serait qu'Alvarez l'ait sous-estimé, qu'il soit mal préparé. Ouais. Mais, j'ai un doute de ça, là. Mais d'un autre côté, actuellement, pour donner le meilleur combat à Alvarez, là, pour qu'on ait un petit feeling, là, qu'on soit un petit peu excité, ben, c'est Jacobs. Jacobs, Je pense qu'on devrait avoir le Miracle Man, là. On devrait avoir bien du plaisir à regarder ça. Il va y avoir de l'action. OK. Dis-moi, puisque je t'ai, donc ça devrait quoi être Alvarez autour du 10e, normalement? Moi, je pense qu'Alvarez va gagner une décision. Je pense pas qu'il va arrêter Jacobs. Jacobs, est, comme j'ai dit, c'est un boxeur solide. Sur ses deux défaites, il s'est fait arrêter juste une fois et ça fait déjà un maudit bout de temps. Là. Ça fait plusieurs années. Ça avait été contre Pirog en 2010. Donc, ça fait 9 ans de ça. Il était plus en début de carrière. Donc, il est capable de survivre. Il a le talent pour ça. Donc, je m'attends à une décision relativement facile d'Alvarez, mais Jacobs va être là. OK. Puisque je t'ai, c'est annoncé la semaine passée, Oscar Rivas contre Dylan White, ça va avoir lieu en Angleterre. C'est j'écoutais, Oscar se sent vraiment confiant, hein? Puis pour lui, s'il réussit à avoir une bonne performance, quoique c'est que dans l'histoire de la boxe, il y en a eu plusieurs Québécois qui ont gagné à Londres. Je pense entre autres à Otis Grant. C'est pas impossible que Oscar Rivas batte Dylan White. Est-ce que je me trompe? Ben, Dylan White, là, c'est du calibre là, à Rivas. Si jamais à choisir à peu près à l'entour, un boxeur qui est en avant de lui dans les classements et puis qu'il est prenable, ce serait lui, Dylan White. Tu sais, ce gars-là, il a une seule défaite. Il a été passé dans la carte par Joshua au 7e round. Là, quelques années. Et puis, le reste, ben, il y a plusieurs victoires, 25 victoires, 18 victoires par knockout. Rivas en a 26 victoires en 26, 18 victoires par knockout. Et White, il a été surprenant dans les dernières années. C'est un gars qui a battu, Chisora deux fois, Elenios, il a battu Lucas Brown, il a surtout battu Jason Parker, là, de Nouvelle-Zélande. Donc, il a battu des grosses pointures pour ce ici-là, là, au sommet. Et là, c'est une opportunité pour Rivas d'arriver puis de le tasser de là puis de prendre sa place. Ben là, c'est un combat qui est payant pour Rivas. Là. C'est un la million? Plus grosse bourse de sa carrière, même pas proche. Là. Un million, je pense qu'on parlait l'autre fois. Ah, t'es au-dessus de ça. Oui. Parce que, je regarde le classement au moment où je te parle, là. Il est premier. Je regarde les classements. La WBC, White est premier. WBO, premier également. Donc, si jamais il gagne un combat contre White, ça veut dire peut-être, c'est pas impossible de penser un combat contre Wilder ou Joshua après. C'est certain, il deviendra le premier aspirant obligatoire à Wilder, puis ça, c'est la clé, là. Ça pourrait, en tout cas, c'est une possibilité. Tu sais, Oscar Rivas, là, on n'a pas. Tout à l'heure, j'étais en conférence de presse, j'ai pris la parole. Tu sais, je disais, c'est pas facile. Nos gars, quand ils s'en vont en Angleterre, décalage horaire, full hostile. Il n'y a rien là, vraiment pour nous avantager. Round serré perdu. Mais d'un autre côté, Rivas a passé une grande partie de sa carrière amateur à l'extérieur. Lui a participé à tous les grands jeux, médailles d'argent aux Jeux panaméricains, a été aux Olympiques, le seul à avoir fait la limite avec Camarelli, s'est promené partout, a battu des Cubains Alfonso à deux reprises. Donc, lui a été habitué à ça, il a fait ses devoirs. Donc, ça, il devrait être capable de bien gérer. Avec un gars comme Mac Ramsey, ils vont se préparer pour White, et un peu comme Jennings, parce que dans le fond, White-Jennings, il n'y a pas une grande différence, là. On est un peu dans la même ligue, là. On est tous dans la même ligue, ce gang-là, là. Donc, il y a des chances, là, vraiment, Rivas, là, avec une bonne préparation. Et je t'assure qu'avec la bourse qu'il y a, il va en avoir une maudite bonne préparation. Tout va être fait en camp d'entraînement, en partenaire d'entraînement. Et, je pense que ça serait tout un événement, là, s'il devait remporter la victoire. Quand les poids lourds, hein, tu le sais, Daniel, on en parle souvent. Ouais. C'est une ligue à part, là. Tu sais, ça roule dans les millions quand t'es en haut. C'est une ligue à part. Si Rivas se faufile là, je te jure une chose, là. Wow! Son avenir va être assuré bien des fois. Là. Mais là, la foule est très hostile en Angleterre, hein. C'est une foule très bruyante. Beaucoup. C'est une foule. Tu parlais que contre Jennings, ça n'a rien à voir, là. Il peut y avoir 25-30 000 personnes à ce combat-là. Puis les arbitres, comment ils sont, les juges? Parce que moi, on se rappelle toujours de Luca Bayer. Est-ce que qu'est-ce que ça a changé depuis ce temps-là? Ben, écoute, ça a changé. Fais pas d'armes serrées, là. Quand t'es loin comme ça, puis t'es pas le favori, t'es pas champion, en arrière dans les classements, y a pas personne qui va te faire les cadeaux, là. Donc, Rivas, il va falloir, c'est sûr que Brown, Dallin White, c'est un gros gars, là. Il est beaucoup plus grand que Rivas. Okay. Il va être 25 livres plus pesant. Personnellement, nous autres, on est impressionnés quand on le voit, là. On voit Rivas et on fait « Aïe, c'est méchant, méchant costaud, ça, là. » Mais d'un autre côté, il est dans un monde de costaud aussi. Donc, Rivas, il va falloir qu'il vienne à bout de raccourcir la distance, s'approcher, le bombarder au corps, lui faire mal, le décourager. Il est habitué à se battre contre des gros gars. Donc, c'est sûr que la stratégie de combat va être importante dans ce combat-là. La préparation, finir fort, comme il l'a fait avec Jennings, à 10e, 11e, 12e, où là, il marchait dessus, là, puis... Jennings avait la misère à répliquer. Donc, c'est toutes des affaires qui peuvent faire la différence. Mais effectivement, si tu veux faire fermer la boîte à une foule comme en Angleterre, assure-toi à un moment donné de virer la bataille à l'envers. Ben oui. Le monde reste surpris de voir que le petit va peut-être battre le gros. Là. Parce que c'est un impondérable, effectivement. On va avoir l'occasion de s'en reparler. Je pense que c'est le 20 juillet. En Angleterre. Bernard, gros merci. On se reparle dès que l'actualité de la boxe l'exige. À plaisir. Collaborateur bye, bye, Bernard Barry.